dit du crime, pas en drame mais sur platine. Et je signe de mon stylo un chant d'espoir pour tous les ghettos. Je m'aligne dans cette groupe de jeunes qui bêtent le score. Emblème d'un peuple, de donner l'envie et la rage pour qu'on ferme des gueules. J'ai aussi des blocs mec, et je fais ma synthèse. Encore craint, bientôt mon rap sera légalisé. J'en place une pour ma place des fêtes. Ils me placent pas parmi ces fous qui glorifient la merde. J'ai vu ce qui se passe ailleurs, il reste de la place. Si on maîtrise pas notre bise, qu'il fera à notre place. Dans mon monde, c'est le pouvoir des mots, le pouvoir des sons, le pouvoir du fric et l'amour du risque. Je suis Bacardi, de la famille blanche. Ceux qui se branlent se font surprendre, l'ouragan est en train de s'étendre. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que l'union fait la force. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on fait le score. Je m'attends avec les incapables. Le monde nous appartient et que nos rêves deviennent palpables. La durée de mon combat explique la profondeur de mes peines. Je suis déjà resté affamé sous huitaine. Je me saigne, j'enseigne, les signes pas avec les thèmes. Fais péter le son dans les enceintes. Tape-moi 5 si tu captes le message. Faut qu'on retourne le pays, quitte à ce que les gens portent plainte. C'est le sprint final que notre génération laisse son empreinte. Ça fait des ordres dans le décor, on se plante. Content de ce qu'on fait, c'est comme une fresque. On décide le monde avec nos pros et on blesse. Parce qu'on ressent encore la douleur des chaînes, je chante l'espoir. Leitmotiv des temps modernes. Chaque rime est une prière, négro. J'ai un cimetière de mots en mémoire de ceux qui manquent. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que l'union fait la force. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on fait le score. L'avenir se construit maintenant, chaque jour est un combat. Et quand j'entends les battements de mon cœur qui me donne la température, je balade des instrumentaux bêtement. Le poids des mots, le choc des syllabes, à 20 pays célèbres, que toutes les cités derrière moi se lèvent. Que ce soit vous et moi, moi sans vous c'est rien, c'est juste des paroles qui s'effacent dans l'atmosphère. Tous ensemble c'est la résistance, c'est impénétrable, et ça brûle dans tous les sens. Lis sur mon visage ce qui se passe, si j'ai l'air noyé, j'ai traversé un océan de merde. Et je continue de ramer, D.L.G. l'a dit, le combat continue. Beat Bacardi, 2002, pour tous les ghettos. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que l'union fait la force. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on fait le score. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que l'union fait la force. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble, on forme un fort. Il est l'heure de dire aux jeunes que tous ensemble.